们买个鱼。 Me llaman el desaparecido cuando llega ya se ha ido volando vengo voy de prisa de prisa. Je suis venu à cette manifestation pour grossir les rangs parce que je pense que la chasse aux chômeurs est inutile, que finalement dans la sécu ça fait un trou qui est un peu ridicule qu'on peut récupérer autrement, notamment par des changements de loi sur la fiscalité, etc. Et donc c'est le réseau bruxellois des collectifs de chômeurs qui organise l'action. Et donc dans ce réseau bruxellois, il y a la FGTB, la CSC, il y a plein d'organisations. Donc c'est vraiment un front très large. Bonjour à toutes et à tous. Voilà, alors. Nous sommes la section locale de GET et donc nous voulons lutter en particulier contre les mesures d'exclusion des chômeurs qui vont commencer au 1er janvier 2015. Ici, évidemment, ce n'est pas une compétence du Parlement bruxellois, mais on sait très bien que c'est le Parlement bruxellois qui va s'occuper du contrôle des chômeurs à partir du 1er janvier. Donc, nous, on veut mettre ça dans un contexte plus global, parce que pour nous, la mesure la plus emblématique de la précarisation des chômeurs, c'est l'exclusion au 1er janvier. On veut bien un accompagnement de qualité, encore pour autant que ça mène vers des emplois et pas vers nulle part, mais on ne veut plus de ce système débile qui met une pression constante sur les chômeurs sans autre utilité que les exclure. Moi, je suis chômeur de longue durée, mais à côté, je fais plein d'activités bénévoles. Je me sens particulièrement touché par cette règle inique. Parce que ils veulent faire croire à la population que c'est pour faire des économies. Or ça va dégrader la société encore plus, et surtout les précaires, les plus faibles. Alors qu'à côté de ça, en 2008, on a sauvé les banques à coups de milliards. Ici, ça représente quelques millions. Et c'est complètement aberrant. Dans le cadre de la chasse aux chômeurs et chômeuses, donc c'est l'objet du rassemblement, les femmes sont encore plus pénalisées. Tout le monde est pénalisé, mais encore plus les femmes, parce que les femmes sont renvoyées dans des travaux traditionnels, n'ont pas de place en crèche, et donc elles ont d'autant plus de mal à trouver du travail. Et après avoir été reçu en délégation, on revient ici et on vous fera le débriefing, on vous dira ce que les partis politiques auront répondu à nos revendications. Merci à vous et à tout de suite.